Toute ma vie, j'ai vécu et travaillé dans la grande ville. Ce qui, maintenant que j'y pense, pose quand même un problème, vu que je me suis toujours senti mal à l'aise au milieu d'une foule. J'ai la phobie des espaces clos. Ça me donne toujours l'impression d'être pris au piège. Vous savez, je me suis toujours dit qu'il devait forcément y avoir mieux ailleurs, mais peut-être que je pense trop, au fond. Je pense que tout ça doit remonter au fait que j'ai eu une enfance très angoissée. Vous savez, ma mère n'avait jamais de temps à me consacrer. Vous savez, quand vous êtes l'enfant du milieu, dans une famille de 5 millions, on ne s'intéresse pratiquement pas à vous. C'est vrai, c'est incroyable. Et j'ai toujours eu ce sentiment d'abandon qui n'a cessé d'empoisonner ma vie. Mon père était... Au fond, c'était un faux bourdon, comme je vous l'ai dit. Et en fait, il s'est envolé quand je n'étais encore qu'une larve. Et en plus, il y a mon travail. Ne me lancez pas là-dessus, parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi je n'étais pas fait pour être ouvrier. Ça, je vous le dis tout de suite. Je me sens physiquement inadéquat. Par une fois dans ma vie, je n'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Et tout bien considéré, passer son temps à manipuler des saletés, c'est franchement... C'est pas ce que j'appelle avoir des perspectives d'avenir. Et c'est tout cet enthousiasme général pour le méga-organisme que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie, mais je n'arrive pas, je veux dire. Ça veut dire quoi? Que je suis censé ne penser qu'au bien-être de la colonie? Et qui pense à mon bien-être à moi? Qui pense à moi? Alors je suis bien obligé de me persuader qu'il y a un monde quelque part qui est mieux qu'ici. Et sinon, je n'aurais plus qu'à me coucher en position larvaire et à me mettre à pleurer. Le système tout entier me donne l'impression d'être... insignifiant. C'est très bien. Vous venez de faire un grand pas en avant. C'est vrai? Oui, Zed. Vous êtes insignifiant. Ah, c'est vrai. Positif de ce qui m'arrive, que je reste positif, même si je sais que je suis totalement insignifiant. Je suis insignifiant, mais je suis positif. Oh, pardon, Zed. Je ne t'avais pas vu. Ne t'inquiète pas, Steka. Ça prouve que ça marche. Je compte tellement peu que je suis devenu invisible. Ça y est, enfin, tu as compris. Tu as mis le temps. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas toi. Ce qui compte, c'est nous, toute l'équipe. La seule chose qui compte, c'est ça. Tu parles d'un grand trou souterrain? Alors les gars, ça va comme vous voulez? Ouais. Super. Bon, R1734 à Z7829, vous êtes tous de boulets de démolition. C'est parti, chef. Chouette, c'est parti. Génial, ça va balancer, très vite, les gars. C'est super. Surtout, n'oublie pas, Steka, hein, tu penses... boule, c'est la chose la plus importante. N'oublie pas, hein, il faut que tu ne fasses plus qu'une avec la boule. Est-ce que tu ne pourrais pas t'arrêter un peu? Bon sang, j'adore mon boulot. Et toi, eh ben, tu penses trop. Allez, Zed, aide-nous à bâtir une colonie plus grande et meilleure. Et par pitié, je t'en supplie, sois heureux de le faire. Oh, bien sûr, tu penses. Je vois pas pourquoi je serais malheureux de ne faire qu'un avec un matériau de chantier. Bon, les ouvriers, rappelez-vous. Oh, ça y est, on y va. Pensez boule! Oh. Allons-y! Laissez l'électricité circuler à travers vous! Garde sourire et endure. Dis-toi, dis-toi que c'est pour la colonie. Oh mon Dieu. Scandaleux. Et dire qu'il n'y a pas une loi qui interdise ce genre de pratique. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Est-ce que je vous ai déjà dit que l'altitude me donnait mal au cœur? Zed. Je sais, ne m'en parle pas. J'ai lâché la boule. Les ouvriers sont faibles. Ils n'ont aucune discipline. Il manque d'abnégation. Général, je reconnais qu'il y a parfois un pépin, ou deux, mais tout le monde travaille déjà le plus vite possible, et je comprends pas... Vous n'y pouvez rien. C'est dans votre nature. Mais en dépit de vos déficiences, vous allez me terminer ce tunnel dans les délais, contre vents et marées. À partir de maintenant, ceux qui prendront du retard devront s'expliquer personnellement avec le colonel Cutter. Et croyez-moi sur parole, le colonel n'est pas aussi compréhensif que moi. Rompez! Plus que 4 jours. 4 jours. Et nous dirons définitivement adieu à ce genre d'incompétence. Oui, général. Un nouveau départ. Imaginez. Une colonie forte, général. Une colonie dont nous pourrons être fiers. Oui, mais nous n'en sommes pas encore là. Cutter, nous venons d'apprendre que l'ennemi Termite avait mobilisé son armée contre nous. Contre nous? Il faut envoyer des troupes en plein territoire hostile pour attaquer leur colonie. Attaquer une colonie Termite, général? C'est suicidaire. Exactement. Avez-vous la liste que j'ai demandée? Oui, général. Il y a là toutes les unités fidèles à la reine. Ce sont donc celles que nous enverrons. Dommage, il y a d'excellents officiers. Ne faudrait-il pas avoir l'approbation de la reine? Pour déclarer la guerre? C'est notre prochaine étape, Cutter. Général, nous sommes en paix avec cette colonie depuis des années. Pourquoi nous attaquerait-ils? Ils veulent notre territoire. Ils sont prêts à tout pour acquérir de nouvelles zones de fouilles. Peut-être pensent-ils que nous nous sommes amollis ou affaiblis. Pourquoi ne pas envoyer un ambassadeur? Négocier un nouveau traité? Il n'est sûrement pas impératif d'envoyer des soldats. Croyez-moi, chacune des fourmis de cette colonie est infiniment précieuse à mes yeux. C'est pourquoi il faut frapper maintenant. Profiter de l'élément de surprise. Si les troupes de choc Termite pénètrent dans notre colonie, eh bien... Oui, général. Je sais ce qu'ils peuvent nous faire. Puisqu'il le faut. Vous avez pris une sage décision. En fait, vous venez de préserver l'avenir de cette colonie. Bonjour, général. Princesse Balla. Quelle agréable surprise. Vous me semblez plus belle chaque fois que je vous vois. Merci. J'espère que vous n'êtes pas seulement là à titre officiel. Oh, vous savez bien que... Vous savez bien que non. Parce que... Il serait peut-être agréable que nous ayons... une conversation... au moins une fois avant de nous marier. Vous avez on ne peut plus raison. Cutter, planifiez-moi un moment d'intimité avec la princesse. En fait, général, vous avez le temps maintenant d'avoir un entretien privé. Nous avons quelques secondes d'avance sur le programme. Excellent. Princesse. Eh bien, quelques secondes, c'est bien peu, mais... Si ce sont quelques secondes privilégiées, dites-moi, comment s'est passée cette journée? A-t-elle été intéressante? Nous avons déclaré la guerre. Déclaré la guerre? Eh bien, vous avez de sacrées journées. Général, désolé de vous interrompre, mais... Le temps ne s'arrête jamais pour les fourmis. Princesse. Maman, tu veux bien me rappeler pourquoi j'épouse ce garçon? Balla, tu tiens vraiment à ce qu'on se redispute à ce sujet? Nous n'avons apparemment rien en commun. Il est totalement stupide. Oui, chérie, je sais que le général est parfois un peu bourru et quelque peu autoritaire par moments, mais... Je t'assure que tu comptes beaucoup pour lui, même s'il n'est pas très doué pour le montrer. Mais si tu avais vu avec quelle ténacité il n'a cessé de te demander en mariage... Mais pourquoi moi? Parce que tu es celle qui devra poursuivre ma mission. C'est là qu'est ta place, chérie. Et si elle ne me plaît pas, ma place? Chacun ici a une place, Balla. Toi, les soldats, les ouvriers... Et puis, ça n'est pas si terrible d'être une princesse, tu sais. Tu préférerais peut-être charrier des saletés toute la journée? Oh, maman, tu n'es pas obligée de dramatiser. Au moins, ils ont l'air de s'amuser une fois de temps en temps. Deux bières de puceron. Pourquoi faut-il que je sois né ouvrier ? Vous, les soldats, vous vous couvrez de gloire. En plus, vous voyagez dans le monde, vous rencontrez des insectes intéressants et vous les tuez. Oui, mais toi, tu passes toutes tes journées avec ces superbes ouvrières. Weaver, ce sont toutes des carriéristes. Elles ne pensent qu'à creuser. Oh, je sais bien que je ne rencontrerai jamais la fille qui est faite pour moi. Pour la fille qui est faite pour toi. Moi, je parlais d'une fille pour moi. Tu la bois pas, ta bière de puceron. Je suis peut-être ridicule, mais ça ne me dit rien de boire ce qui sort de l'arrière-train d'un autre animal. Tu me comprends? C'est toi qui vois. Ce soir, je me lâche à fond. La reine doit bientôt nous passer en revue. Passer en revue? Dis plutôt que tu resteras debout comme un idiot pendant que toute la famille royale te fera un petit sourire. Oh, je sais pas comment tu supportes ça, Weaver. Zed, on se connaît depuis un sacré bout de temps. Oui, ça tu l'as dit. Tu es né deux secondes après oui. moi. Et depuis qu'on est tout petit, je passe mon temps à t'écouter te plaindre. Pourquoi tu râles tout le temps à ce point-là? Je te rappelle quand même que nous, les fourmis, on fait la loi. On est les seigneurs de la Terre. Hé, hey, ne prononce pas le mot « Terre » devant moi. Parce que j'ai passé ma journée à en trimballer. Ah, il y a forcément quelque part un endroit mieux qu'ici. Il y en a un. J'y suis allé. Pardon, c'est à moi que vous parlez? Il y a un endroit mieux qu'ici. Insectopie. Ah, vraiment, hein? Dingue non identifié à 3 heures. Tu ne peux pas comprendre tant que tu ne l'as pas vu de tes propres yeux. Là-bas, au moins, tu peux être seul si tu en as envie. Les rues sont garnies de nourriture. Personne ne te dit ce que tu dois faire. Pas de guerre, pas de colonie. J'aurais jamais dû revenir. Oui, passionnant. On était parti loin, en patrouille de reconnaissance, et j'ai été coupé de mon unité. Rien ne vaut les séquelles post-traumatiques d'un ancien combattant pour finir la journée en goûter. Et là, je l'ai vu. Insectopie, dirige-toi vers le monolithe. Dis cliquer après le grand canyon qui mène à la Terre du vert et blanc. Ça suffit, papy. T'as assez bu pour ce soir. Allez, viens, sinon tu auras des ennuis. Va vers le monolithe. Écoute-moi, le monolithe. Ce mec a un truc qui tourne pas rond. Traverse le lac. Insectopie. Tu trouves pas que ce serait fantastique, ça? Ouais. Rêve, mon... Va vers le monolithe. Cherche la terre du vert et blanc. Waouh. Cet endroit ici, excitant. 10 minutes et on s'en va, c'est promis. Cet établissement nous est interdit. Tu n'auras qu'à dire que c'est ma faute, leur faire croire que l'idée vient de moi. Mais l'idée vient de vous. Et puis de toute façon, personne ne pourra nous reconnaître. Alors, les filles, qu'est-ce que vous en dites? Allons faire un petit tour chez les sauvages. Oh, oh. Bon, tout le monde, 6h15, l'heure de la danse. On va rapper la moquette? Oh non, ça va, je vais laisser la moquette dans l'état où je l'ai trouvée en arrivant. Pas, mademoiselle. Je vais aller inviter un de ces ouvriers à danser avec moi. Mais quelle bande de nullité. Tous des zombies décérébrés qui se font complètement avoir par le système. Salut, vous voulez danser? Absolument. Suivez-moi. Comment ça se fait que je vous avais encore jamais vu ici? Oh, je ne sors pas beaucoup. En fait, je travaille au palais. Ah, oh, au palais, hein? Il paraît qu'elle mène la grande vie, la famille royale. Il faut dire qu'ils sont tous un peu... forcément, la consanguinité. Quoi? Ouch! Youch! Je peux savoir ce que vous faites? Eh bien, en fait, pour tout vous dire, j'invente au fur et à mesure. Vraiment? Ben oui, pourquoi tout le monde serait forcé de danser la même chose? C'est horriblement ennuyeux. Et puis, c'est monotone. Et puis, c'est pas drôle. regarde où tu vas, petit ouvrier. Regardez vous-même où vous allez, mon ami, où vous allez avoir de gros ennuis. Oh, c'est rien, ça, je vais laisser passer pour cette fois. Ça va pas, vous êtes dingue. Ce type est bâti comme un menhir. Vous n'essayez même pas de vous défendre. Hé, mon pote, tu reprends ta place. Moi ? Et s'il n'avait pas envie de la reprendre ? Oui, et si elle me plaisait pas à ma place ? Mais de quoi il parle, celui-là ? On a un fauteur de troubles. Laissez-moi m'occuper de lui. Celui-là va payer pour tous ces feignants d'ouvriers. Je trouve que t'as un comportement trop agressif. Mais ça n'est qu'un ouvrier. Quand est-ce que je pourrais vous revoir? Laissez-moi réfléchir. Jamais. Au revoir. Non, attendez! C'est un jour merveilleux. Je me sens si joyeux. Ça ressemblerait presque à l'amour. Tout mon cœur se délecte de ce monde des insectes. Ça ressemblerait presque à l'amour. Chose, vieux ? Non, merci, je crois que je vais y aller. Ouais, je te comprends. C'est toujours calme ici les soirs qui précèdent les défilés officiels. Les soldats veulent avoir le teint frais pour passer devant la reine. Normal, remarque. Mais bien sûr ! Ça me rappelle une fois quand j'étais... Salut ! Weaver! Quoi? J'ai une super idée. Il faut qu'on échange nos places tous les deux. Laisse-moi aller au défilé et toi, tu resteras là. Quoi? Quelle heure il est? Weaver, toute la famille royale y sera. Il n'y a que comme ça que je pourrai la voir. Voir qui? La princesse Bala. T'es dingue ou quoi? Tu veux que moi, je change de place avec toi? Est-ce que tu sais ce que ça peut coûter, ne serait-ce que de parler de l'idée de se faire passer pour un soldat? Tu te rends pas compte des ennuis que tu pourrais avoir rien qu'en écoutant quelqu'un parler de se faire passer pour un soldat. Il faut absolument que tu m'aides. Si je peux pas la revoir, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je t'en prie, Weaver, je t'en supplie. Prends mon travail et donne-moi le tien. Rien qu'un jour, pense à toutes les choses que j'ai faites pour toi. J'en vois aucune. Oh, t'as raison. Alors pense à toutes celles que je vais faire pour toi. Je pourrais rencontrer des ouvrières? Si tu peux en rencontrer, elles se jettent toujours sur les nouveaux. C'est presque un sport pour elles. Et crois-moi, elles vont tomber raide dingue d'un adorable petit insecte comme toi. Weaver, il faut que je la revoie. Zed, est-ce que tu crois que t'as la moindre chance que ça marche avec une princesse? Non, je veux dire, elle se souviendra sûrement même pas de toi. Je sais bien que j'ai aucune chance. Mais il faut que j'essaie. Oh, bon sang. Princesse, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Ça vous dirait qu'on file à l'anglaise? Oh, moi, eh bien, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis en quelque sorte la fourmi polyvalente. Tête à droite! Merveilleux. Une pure merveille. Une telle précision, un tel ordre. Princesse Bala! Princesse Bala! Hé, c'est moi! Vous vous souvenez de moi, Zed? Celui du bas! Princesse Bala! Princesse Bala! Princesse Bala, il faut que tu encourages les troupes. fais leur signe. Oh, ça y est, elle m'a vu. Excusez-moi, les gars. Pardon, j'ai plus à faire. Je vous laisse. Compagnie ! Halte ! Princesse... Princesse Ballard ! Du calme ! Rentre dans le rang ! T'es nouveau, petit ? Oh, oui, mais je vais pas rester longtemps. Je suis soldat par intérim. Tu es soldat par intérim ? Elle est bien bonne. Moi, c'est Barbatus. Garde ton rapport ! Psst ! Le sacrifice. Pour certains, ce n'est qu'un mot. Pour d'autres, c'est une règle. La vache, c'est là que je vois que je suis pas doué pour les jeux de mots. Un soldat sait que la vie d'une fourmi en tant qu'individu ne compte pas. Ce qui compte, c'est la colonie. Le soldat veut vivre pour la colonie. Se battre pour la colonie. Mourir pour la colonie. Ce mec est complètement dingue. Je t'ai entendu. À 08h00, nous avons appris que l'ennemi Termite avait mobilisé ses troupes. Il ne nous laisse pas le choix. Nous devons effectuer une série de frappes préventives. Vous êtes les troupes d'élite de la reine. Je sais que chacun de vous fera son devoir. Je suis fier de vous envoyer au combat. Au combat ? Je vous demande pardon, au combat ? Rompez les rangs. À gauche, gauche ! En avant ! Arche ! Oh, dis donc, il vient d'y avoir une erreur épouvantable. Parce que moi, en fait, j'étais juste venu pour le discours. Te bile pas, petit. Je veillerai sur toi. Fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah. Voyant les termites comme des brunes, hurrah, hurrah. Mais ces termites, ils vont... Je veux dire, on va pas vraiment se battre contre eux. Je veux dire, ils sont beaucoup plus faibles que nous. Pas vraiment, petit. Ils sont 5 fois plus gros que nous. Et ils envoient des jets d'acide qui leur sortent du front. Hé, hey, t'arrêtes pas, Ratchet. Les fourmis marchent deux par deux, hurrah, hurrah. Mais nous serons morts avant peu, hurrah, hurrah. Dis-moi, c'est quoi exactement le rôle de notre section ? Je veux dire, est-ce qu'on va servir des boissons ou est-ce qu'on va s'occuper de la brasserie ? Notre section va remplir la plus belle des missions. On est en première ligne. Ah. Les fourmis marchent droit par toi. Hurrah, hurrah, hurrah, hurrah ! Le destin guidera nos pas. Pas si vite, c'est peut-être pas la peine de se précipiter comme ça. Vous savez, ces gars-là, ils m'ont tout l'air d'être des monstres. Comment tu peux me dire comment vous comptez les battre ? Par supériorité numérique, petit. On finit par submerger leur défense et on va tuer leur reine. C'est pas... Hé, hey, les gars, c'est un peu extrême pour moi, tout ça. Pourquoi on essaie pas plutôt de s'attaquer à leur système politique ? Je sais pas, moi, par une grande campagne d'affichage. Je t'aime bien, petit. T'as un sacré sens de l'humour. En avant ! Oh, ça commence. Allons botter le train aux termites. On monte à l'assaut ! N'aie pas peur, petit. Ils sont là ! À l'attaque ! sauver la vie. Ah, pas la peine d'en faire tout un plat, petit. Hé, hey, les gars, il y en a un derrière vous. Hey, s'il vous plaît, quelqu'un peut me sortir de là? S'il vous plaît. Ouais. Attends un peu, toi. Ouais. Attention, j'arrive. J'adore. Hé, hé, hé! Doucement, monsieur Muscle. Tu vas nous faire passer pour des mauviettes? Où est passé Zed? Il est absent pour la journée, alors je viens remplir ses quotas. Si tu continues comme ça, tu vas casser ta pioche. Et t'as un problème? Ah non, on m'avait jamais dit que c'était si chouette de creuser. On prend un morceau de rocher, on le balance derrière. On en reprend un autre, on le rebalance derrière. Ça met en forme, ça fait travailler les bras et les pectoraux. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Eh, en effet, c'est passionnant. Pardon, chef! Ce n'était qu'une petite conversation entre amis, chef! Tu sais quoi? Je viens d'avoir une petite conversation avec le général Mandibule. Tout ouvrier qui ne remplira pas ses quotas sera immédiatement rétrogradé. Ne tombez pas dessus comme ça! C'est à nouveau. Dis donc, qu'est-ce que tu dirais si je t'apprenais à rester à ta place en te supprimant ta ration journalière? Merci de votre attention. Je ne comprends pas ce qui m'a pris. Lui répondre comme ça? Faut vraiment que je sois dingue. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans, mais tu sais, tu peux... partager ma ration si tu veux. Est-ce que c'est une invitation à dîner? Si tu n'avais rien d'autre de prévu. Faut que je consulte mon agenda. Tu sais, je suis plutôt contente que Zed ait pris sa journée. Zed, par ici. Barbatus. Dis-moi la vérité, petit. Je suis gravement touché. Non, pas du tout. Tu as l'air en pleine forme, au contraire. Tu as de belles couleurs aux joues. Non. Je le vois bien dans tes yeux. Je suis foutu. Aide-moi à me relever. Oh, je ne sens plus mes jambes. Il vaut mieux que tu bouges pas trop, mon vieux. Tu vas... T'en fais pas, surtout. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Essaie de bien respirer. Et moi, je vais essayer de retrouver ton corps. Il doit forcément être par là, quelque part. Barbatus, tiens bon. Barbatus. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne passe pas ta vie à obéir à des ordres. Pense par toi-même. Barbatus. Nous sommes dans l'étang. Les travaux sont terminés dans le secteur A, général. Nous avons commencé à dégager un sentier dans le secteur D. Il faut aller plus vite, Cutter. Doublez-moi les équipes jour et nuit. Nous ne pouvons nous permettre le moindre répit, est-ce clair? Comme de l'eau de roche, Général. Bien. Où en sommes-nous dans le secteur? Excusez-moi, Général. J'espère pour vous que c'est important. C'est au sujet de la bataille contre les termites, Général. L'ennemi a été anéanti. Mais je crains fort que cela n'ait été aussi désastreux pour nos troupes que pour les siennes. Eh bien, c'est terrible. C'est terrible. Il y a quand même une bonne nouvelle, Général. L'un de nos soldats a survécu à la bataille. Vous plaisantez? Je vous demande pardon. La nouvelle se répand dans la colonie, Général, et la reine a demandé à rencontrer ce héros. Saleté! Bien, ça c'est bien. Je m'en occupe personnellement. Félicitations, soldat. Eh bien, tu es un peu petit pour un héros de guerre. Un héros de guerre? Oh, Général, je suis désolé, mais je ne crois pas être un héros. Mieux. Je n'aime pas les héros. Général, vous ne m'avez pas compris, je... Je n'ai rien fait du tout. Je veux dire, c'était absolument épouvantable. C'était un vrai massacre. C'était un massacre. Et encore un massacre. Et j'ai encore compris, soldat. Saluez. Tu n'as rien à te reprocher, Weaver. Tu ne savais pas qu'il serait envoyé à la guerre. Je me sens tellement coupable. Pauvre Zed. On n'aurait jamais dû le laisser partir. Attends un peu. C'est pas un soldat, c'est Zed! Zed! Le petit gars s'en est sorti! Par ici, soldat. Je vais te dire, fiston. Tu es une fourmi comme je les aime. Une fourmi qui regarde la mort en face, en riant. Eh bien, en fait, si vous voulez savoir, Général, je fais des commentaires désobligeants et je ricane derrière le dos de la mort. Général Mandibule. Maintenant, tu gardes tes commentaires pour toi-même. C'est moi qui parle. Puis-je te présenter Sa Majesté la Reine? Enchanté, enchanté. Et la princesse royale, Bala. Bon retour parmi nous, soldats. Nous ne savons comment vous exprimer notre gratitude pour votre conduite héroïque. Le soldat m'a chargé de vous transmettre ses plus humbles remerciements. Excusez-moi, vous permettez, ça n'était vraiment pas grand-chose. Le train-train habituel, de la bravoure et un extraordinaire courage, c'est tout. Vous savez, dans le feu de la bataille, on n'a pas vraiment le temps de penser. Tout ce qu'on a dans la tête, c'est à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Eh bien, en effet, comme peuvent le constater vos altesses, la bataille est encore fraîche dans l'esprit de notre héros. Pardonnez-nous, Majesté, mais je crois qu'il est grand temps que notre héros et moi ayons un petit tête-à-tête. Oh, je vous en prie, Général, pas le premier soir. Pas le premier soir. Ne vous aurais-je pas déjà vu quelque part? Eh bien, peut-être bien que oui. D'un autre côté, peut-être bien que non. Et encore, d'un autre côté... Youch! Ça y est, vous êtes le fameux type du bar. Non, ne le... Chut. Du bar? Quel bar? J'ai dansé avec ce garçon dans un bar l'autre nuit. Mais ce n'était qu'un ouvrier ce soir-là. Que faisais-tu dans un bar? C'est aussi ce que j'aimerais savoir. Non, ce n'est pas moi dont il s'agit. Regardez plutôt cet ouvrier. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Après tout, je suis un soldat. Exactement. Vous étiez un ouvrier. Mais maintenant, vous êtes un héros de guerre. C'est un ouvrier? Un ouvrier a dansé avec ma fiancée. Fiancée? Passez vite. Une petite minute. Ça n'est pas ce que vous croyez. Je peux tout expliquer. C'est simple. C'est elle qui m'a abordé et elle m'a invité. Arrêtez-le. Non, attendez. Minute, doucement. Est-ce qu'on pourrait essayer de discuter? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma fille tout de suite. Il la prend en otage. Non, pas du tout. Enfin, si, finalement. Un seul pas de plus vers moi et c'est la princesse qui trinque. Mais lâchez-moi! Non! Ne me forcez pas à lui faire du mal! Non! Non! Non! Non, mais ça va pas. Qu'est-ce qui vous a pris, pauvre imbécile? Vous êtes devenu encore plus dérangé que vous ne l'étiez. Ils sont là! En bas! On fonce! Allez, allez, allez, allez, allez, allez! Ah, enfin. Les voilà qui viennent me sauver. Et vous tuer. Me tuer? Noé, je suis là! Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi! Non, attendez, qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez détruire tout ce qu'il y a entre nous? Qu'est-ce que vous attendez? Eh oh! Les gardes! Griffes, restez pas là! Je ne suis pas blessé. Vous? Vous n'êtes pas blessé? Et alors? On vous a demandé quelque chose. Moi, j'ai failli mourir. Vous voulez pas vous calmer un petit peu? C'est pas parce qu'on est passé près de la mort qu'il faut vous mettre de mauvaise humeur. Eh, je ne suis pas de mauvaise humeur pour l'instant. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Où m'a-t-il emmené? Bon, machin chose, vous allez grimper à cet arbre-là et vous débrouiller pour savoir où je suis. Écoutez, le truc, c'est de ne pas paniquer, parce que à force de paniquer, on finit par se perdre. Qu'est-ce que je raconte? On est perdu. Ah! Ah! Ah! Oh, je me suis fait kidnapper par l'idiot du village. Qui est le plus idiot des deux? L'idiot ou l'idiote qui se fait kidnapper par l'idiot? Vous leur avez fait quoi aux termites? Ils sont morts d'ennui en vous écoutant? Je n'en reviens pas que vous ayez réussi à vous faire passer pour un soldat. Pourquoi vous accrochez-vous à moi? Vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est vous qui êtes venu draguer chez les ouvriers. Vous vouliez pimenter votre vie. Et vous avez fini par trouver ce que vous cherchiez. L'ouvrier aux mains calleuses, le terrien, le sensuel, l'ouvrier, quoi. Permettez, j'étais venu m'encanailler. Vous n'avez pas compris? Je vous ai choisi parce que vous étiez l'insecte le plus minable de tout le bar. Vous savez, j'avais l'intention de vous faire partager mes fantasmes érotiques les plus débridés. Mais maintenant, c'est fini. Vous pouvez faire une croix dessus. Je suis sûr que vous rêvez d'un type violent. Une soirée romantique pour lui, c'est deux sièges au premier rang d'une pendaison. Bravo, vous avez su choisir le mari idéal. Pour votre information, le général et moi sommes follement, follement... fiancés. Vous allez descendre de cet arbre immédiatement. Nous allons rentrer tout droit à la colonie, afin que moi je puisse regagner le palais. Et que vous... Oh, le monolithe. Parfait, merveilleux. Ah, c'est une offre bien tentante. Mais compte tenu des circonstances, vous rentrez toute seule. Parce que moi, je vais à Insectopie. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Insectopie? Vous êtes encore plus fou que je ne le pensais. Ah oui, eh bien, il se trouve que d'après une source incroyablement fiable, ou devrais-je dire, une source ivre-morte, enfin bref, l'important, c'est que je sois convaincu que cet endroit existe bel et bien. Arrêtez-vous. Je vous donne l'ordre de vous arrêter, petit ouvrier. Hé, il a un nom, le petit ouvrier, c'est Zed. Et hors de la colonie, vous n'avez pas d'ordre à me donner. Bon, très bien, ça m'est parfaitement égal. Cessez de vous justifier, général. Je veux qu'on retrouve ma fille. Et je commence à douter de vos capacités à régler cette affaire. Croyez-moi, Votre Altesse, tout sera mis en œuvre pour la récupérer. La princesse Bala est... indispensable à nos perspectives d'avenir. Alors il se fait une centaine de termites, on lui file quelques médailles, et badabing, badabip, il se fait copain avec la princesse. Il le regarde droit dans les yeux et il lui dit « Mords-moi ». Il a dit ça au général Mandibule. Hé, vieux. Hé, vieux. T'as entendu parler du héros de guerre qui s'appelle Zed ? Il s'est tiré avec la princesse, t'es au courant ? Bah, quand ils ont envoyé des gardes pour le rattraper, lui, il les a regardés droit dans les yeux et boum, les gardes, ils ont pris feu. Zed ? C'est de lui que tu me parles, de Zed ? Bah oui, je le connais bien. C'est un bon copain, mais je crois que ce que t'as entendu dire, c'est un peu... Tu connais Zed ? Oui, mais c'est un ouvrier, avant, il creusait par ici. Un ouvrier ? Non, c'est impossible. Un ouvrier peut rien faire d'autre que travailler. Oui, de toute manière, on n'a pas le choix. Mais si, justement, on a le choix. Je veux dire, prenez Zed. Il a eu envie d'obtenir quelque chose et il s'est battu pour l'avoir. Il n'est pas le seul. Moi, avant, j'étais soldat et j'ai changé de place avec lui. Non, attends. T'es en train de me dire que je suis pas obligé d'être ici? Mais alors, on a le choix? Les autorités ne veulent pas que ça se sache, mais rien ne nous oblige à continuer de creuser ce tunnel. Les moyens de production appartiennent aux ouvriers. Zed creuse pas. Moi, je creuse pas. Dites, c'est pas l'heure de l'atelier psychorelationnel. Allez, on reprend le travail. Pourquoi ? On n'est plus obligé de creuser le tunnel ! Ce mec Zed, il a déclenché une révolution ! Je reviens tout de suite. Moi, j'ai toujours une envie de soldat. Enfin, réfléchissez, Zed. Deux fourmis. Ça peut faire quoi, deux fourmis ? 2 millions de fourmis, peut-être, mais deux. Écoutez, je commence à avoir faim. Je commence à avoir soif. Et cet environnement-là, ce désert aride, ça n'est pas un endroit pour moi. Je crois qu'il est grand temps pour vous de me ramener. Ramenez-vous vous-même. Excusez-moi. Vous m'avez kidnappé, vous vous souvenez? Cela implique que vous avez certains devoirs envers moi. Vous ne pouvez pas m'abandonner comme ça dans cet endroit sauvage. Oui, mais ça peut pas être pire que retourner à la colonie. Vous ne pensez pas ce que vous venez de dire? Ah, si, je le pense. Vous vous meniez la grande vie, mais personnellement, j'aime mieux être ici que creuser. Si vous aviez travaillé une seule fois dans votre vie, vous me comprendriez. Le travail? Qu'est-ce que vous savez du travail? Ça vous plairait d'être destiné à pondre un œuf toutes les 10 secondes jusqu'à la fin de votre vie? Regardez de l'eau. Ça n'est pas compliqué, vous ne pensez qu'à vous. Ouais, il faut dire que personne d'autre ne pense à moi. Alors je préfère être seul, comme ça j'ai besoin de personne. Voilà, au secours ! Au secours ! Voilà ! Tenez bon, je vais vous sortir de là, tenez bon ! On se... Merci. Il n'y a pas de quoi. Bien, à présent, nous pourrions peut-être oublier toutes vos chimères et retourner à la colonie. Oh, Zed, mais qu'est-ce qui vous prend encore? Il faut qu'on traverse le lac. Vous êtes certain d'avoir toute votre tête? On vient à peine de sortir de l'eau. Bala, écoutez, qu'est-ce que vous avez à perdre, franchement? Réfléchissez, vous voulez vraiment devenir l'épouse du loufdingue des commandos de choc? Il y a un endroit bien mieux qu'ici. Zed, je vous en prie. Écoutez, laissez-moi encore une chance. Si nous ne trouvons pas un sectopie très vite, je vous promets que je vous ramènerai directement à la colonie. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, moi aussi. Allons, reprenez-vous. Je connais des fourmis qui ne vont pas remplir leur quota. Barre-toi, valet de l'oppresseur. On veut Zed. On veut Zed. On veut... Pardonnez-moi, général. Je suis venu dès qu'on m'a prévenu. J'ai étudié le rapport de la patrouille de recherche. Et que dit ce rapport? Eh bien, ce Z en question semble être un personnage insaisissable. Les traces de la princesse Bala s'arrêtent au bord du lac. Le lac? Que fait ce soldat à cet endroit? J'ai l'impression qu'il tient la main de quelqu'un, d'une ouvrière. Je n'aime pas la tournure que prennent les choses, Cutter. Je vais avoir besoin d'un soutien sans faille. Puis-je compter sur vous, oui ou non? Oui, général. Très bien. Alors finissons-en. J'ai beaucoup entendu parler de ce Z. J'ai même eu le plaisir de le rencontrer une fois. Mais en ce moment, où est-il? Le voyez-vous parmi nous? Car si ce Z s'intéresse à ce point à notre bonheur, pourquoi n'est-il pas avec nous? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Z se fiche pas mal de notre sort. Sinon, il n'aurait pas kidnappé la princesse. Et c'est pour ça qu'il s'est enfui. Z n'est pas un héros. Nous sommes des héros. Nous qui assurons l'avenir de notre belle colonie. Et dès que nous aurons terminé le percement de cette formidable structure, nous récolterons les fruits de notre labeur. Plus de nourriture et moins de travail pour chacun de nous. En outre, en récompense supplémentaire de vos efforts héroïques, chacun de vous, sans aucune exception, se verra accorder un jour de congé, afin que tous vous puissiez être les invités d'honneur de la cérémonie d'inauguration de notre méga-tunnel. Amène ce soldat. Mais c'est pas vrai. Zed, venez vite. Insectopie. Mon Dieu. Vous aviez raison, ça existe vraiment. À table. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a une sorte de champ électromagnétique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, comment on entre à l'intérieur? C'est un endroit privé dont l'accès est réservé aux personnes qui en sont membres. Qui sont vos amis, très chers? Des insectes rampants, poupette. Oh, les malheureux. Bonjour, mes bons amis. Enfin, trésor, vous n'allez pas saluer chacun des insectes qui émergent de la prairie. Excusez-moi, il me semble que vous ne m'avez pas reconnu. J'ai beaucoup voyagé et je suis toute éboursiflée. Je suis la princesse Bala. Oh, c'est encore pire. C'est de la noblesse déchue. Mon cœur, ils sont pauvres, ils sont sales, ils sentent. Il faut faire quelque chose pour eux. Si vous attendez bien sagement ici, nous vous apporterons un repas léger. Oh, je vous en prie, Marie-Agnès, épargnez-moi ces croisades humanitaires. Hubert, nous avons certaines obligations morales envers les plus défavorisés. Je sais que vous vous moquez de mes lubies, mais je vous assure que cela compte pour moi. Vous avez toujours trop bon cœur. C'est pourquoi vous êtes ma petite Calirette adorée. Oh, mon grand fou, vous êtes un véritable générateur de phéromones. Ma petite chipounette en sucre. Ah, oh, dégoûtant. Ils ont réussi à me couper l'appétit. Vous savez, je crois que j'avais imaginé un sectopie comme... Je ne sais pas, pas tout à fait comme ça. Oh, Marie-Agnès, non! Oh non! Marie-Agnès... Attention! Zed! Au secours! Oh, Zed! Ne me lâchez pas! Zed, ne me lâchez pas! Ça va beaucoup trop vite. Que cette fois, ça y est. Alors que je commençais à peine à vous aimer. Qui ça peut bien être, ce type-là? Ça suffit. Vous n'obtiendrez rien de moi. Soldat, la princesse est vitale pour l'avenir de la colonie. Elle doit être ramenée pour accomplir sa destinée de reine. La colonie a déjà une reine. Quant à ton ami Zed, pourquoi lui ferais-je du mal? Il est insignifiant. Soldat, nous savons que l'existence d'une fourmi en tant que telle ne compte pas. Ni la vôtre, ni celle de Cutter, ni même la sienne. Astéka! Ne dis rien à ce dingue où il va! Où est Zed? Je ne sais pas où il est! C'est bien dommage. Arrêtez! Insectopie. Je sais que ça paraît incroyable, mais c'est là qu'il voulait aller. Soldat, nous n'avons pas de temps à perdre. Il n'y a pas d'insectopie. À dire vrai, cela existe. Général? Je vous communiquerai les coordonnées. Vous êtes chargé de ramener la princesse. Quant à Zed, tuez-le. Mais vous avez dit que pour vous, il était insignifiant. C'est pour le bien de la colonie. Tu as fait le bon choix. Messieurs, vous pouvez constater à quel point l'individualisme est dangereux. Cela nous rend vulnérables. Allons-y. Ramenez-le au méga-tunnel. Mettez-le en première ligne. Rompez. Seigneur, j'ai dû perdre la tête. J'ai mis votre vie en danger. Zed, ne dites pas des choses pareilles. Vous êtes vraiment trop sévère avec vous-même. C'est décidé. Je vous ramène tout droit à la colonie. Insectopie, non, vraiment, vraiment, faut que je sois complètement cinglé. Zed. Mais je vais vous dire, moi, quand j'ai tort, je sais le reconnaître. Zed. Et cette fois, je le reconnais. C'est cette fois, sans l'ombre d'un doute, et plutôt deux fois qu'une, j'ai... raison. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi merveilleux? C'est un insecte. Chut! Vous allez tout gâcher. Venez. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. All around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly. Bien. Messieurs, toutes les unités prennent position. Qu'elles s'apprêtent à sceller les portes ici et ici. Assurez-vous que les équipes de forage atteignent leur but en plein milieu de la cérémonie d'inauguration. Il ne nous manque plus que la princesse. Un arrière-goût de crotte. Ah bon? Fais-moi goûter. Eh, mais c'est de la crotte. Pas mauvaise. Quelqu'un devrait remettre du bois dans ce feu. Pas moi, les mecs, j'y suis allé la dernière fois. Ah, c'est pas moi qui vais y aller. C'est pas mon boulot. Il n'y a qu'à demander au nouveau. Il n'a encore rien fait. Et... je veux dire, il est mort dans mes bras comme ça et je... Vous savez, je crois qu'il n'avait jamais... pas une fois dans sa vie, pris une décision personnelle. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Vous savez, moi, j'étais au palais et... en fait, je crois que nous avons laissé le général prendre toutes les décisions. Il y a une chose que je voudrais savoir. Pourquoi vous êtes venu dans ce bar l'autre soir? Je crois que j'ai eu envie de me faire un peu peur. Ça tombe bien. Mon deuxième prénom, c'est Bayard. En fait, mon deuxième prénom, c'est Raoul, mais... surtout ne le répétez à personne. Oh, vous êtes vraiment étrange. Vous en êtes conscient, je suppose. Eh bien, étrange n'est pas exactement le mot que j'aurais choisi, mais... Ça me plaît. Vous êtes vraiment différent des autres. Ah, eh bien, maintenant que vous le dites, j'ai... il y a une certaine étrangeté chez moi. Je veux dire, c'est une sorte de don pour le bizarre qui fait que certains me qualifient de saugrenu. Mais c'est toujours dit dans le bon sens. Eh, le nouveau, t'es de corvée de bois. Je reviens tout de suite. Essayez de garder ça en tête. Et surtout, ne changez pas d'idée. Eh, vous vous êtes jamais demandé pourquoi on vous appelle des nuisibles? Et si, en réalité, on était des petites choses minuscules et qu'on soit rien qu'un tout petit fragment d'un univers gigantesque qui serait tellement grand qu'on se douterait même pas qu'il existe? Oh, eh bien, ça, c'est profond. Génial. Rien de tel qu'un peu de travail manuel pour pimenter la nuit la plus romantique de ma vie. Bonsoir. J'étais dans les parages et je me suis dit que j'allais passer. C'est très original. La vie de Bohème. Aloha, mon frère, bienvenue à un sec. Toby. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Voyez-vous, notre princesse est portée disparue et nous sommes tous très inquiets. Elle est à peu près de cette taille, pas désagréable à regarder. Est-ce que quelqu'un l'a vue? Elle est là. Rassurez-vous, princesse, vous serez bientôt chez vous. Écoutez, Cutter, je n'ai pas l'intention de rentrer. Malheureusement, princesse, j'ai reçu des ordres. Des ordres? Oh, ne pourriez-vous pas rien qu'une fois penser par vous-même? Wow, c'était très impressionnant. Où est Zed? Zed? Il est mort. Zed est mort. Vous n'avez plus rien à craindre. Mort? Bon, c'était une fourmi qui réfléchissait. Bien dommage pour lui. Princesse, votre colonie a besoin de vous. Bala! Arrêtez! Lâchez! Oh non! Oh mon Dieu, non! Mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, du calme. Essayons d'avoir un comportement rationnel. Alors bon, Bala et moi, bon, évidemment, elle est princesse. Et moi, je ne suis qu'un technicien d'aménagement du sous-sol, ce qui fait que forcément, d'un autre côté, il faut que je retourne la chercher. Moi, je peux vous déposer si vous... C'est bien le moins que je puisse faire pour vous. Et puis, c'est ce que ma toute honnête en lacre aurait voulu. Écoutez, pourquoi on n'irait pas se boire un petit kawa avant de... Allons-y, parce que là, je crois qu'on devrait attendre le matin. C'est vrai, on y verrait peut-être un peu plus... Attention! Prenez vos positions. Attendez mon signal. Ah, princesse, juste à temps. Mais lâchez-moi, vous entendez? Général, dites-moi exactement ce qui se passe ici. J'exige une explication. Je vous expliquerai tout plus tard. L'entrée sud-est est-elle gardée? Oui, général. Non, je ne veux pas plus tard, mais tout de suite. Je n'aime pas la manière dont vous pensez. Je n'aime pas la manière dont vous dirigez cette colonie. Et je ne vous aime pas, vous. Le mariage est annulé. Il va y avoir du changement dans la colonie. C'est exact, princesse. Il va y avoir du changement. Pouvez-vous installer la princesse plus confortablement, puisqu'elle va rester un moment? Qu'est-ce qui vous permet de... Ma mère vous fera couper la tête! Cela me surprendrait. Comme vous avez l'esprit combatif, Bala. C'est exactement ce qu'il nous faut pour créer notre nouvelle colonie. Nous laverons à grande eau la fange qui souille nos caniveaux, nous repartirons à zéro. Vous serez à mes côtés pour toujours, vous serez ma reine. Vous êtes un malade. Je pense que l'histoire en jugera autrement. Bien, messieurs, il est temps de gagner vos positions. Un jour, vous me remercierez. Va retrouver la femme que tu aimes, Zed. Un de ces jours, Hubert. Et merci. Halte là! Où est-ce que tu vas comme ça? Moi? J'allais... Comment dire? Tu n'as pas le droit de passer par ici. Tous les ouvriers doivent être présents au tunnel pour la cérémonie d'inauguration. Oh, oui, bien sûr, la cérémonie d'inauguration. Je vais me dépêcher d'y aller dans ce cas. C'est vrai, j'y vais. Halt. Là, je vais au tunnel, je vais assister à la cérémonie d'inauguration. Dépêche-toi. Il vaut mieux que j'y aille. Je vais à la cérémonie d'inauguration du tunnel. S'il vous plaît, messieurs, l'inauguration du tunnel. Dis donc, ouvrier. La cérémonie d'inauguration. On n'attend plus que moi. J'ai un rôle clé. Où est-ce que tu vas, tunnel, toi? Tunnel, cérémonie, inauguration. Ouvrez-moi! C'est vraiment pas ma journée. Oh, vos manières ne se sont pas améliorées. C'est vous. Vous êtes revenu pour moi. Eh bien, oui, je suis revenu pour vous parce que j'éprouve quelque chose de très fort pour vous. Il faut bien l'avouer, vous êtes extrêmement belle et un peu belliqueuse de temps en temps, mais ça, j'ai le bon espoir que ça s'arrange. Et toi, tu parles trop. Oh là là. J'envisage d'apprendre le langage des signes. C'est fou ce temps qu'on perd à parler. Viens vite. La ville est totalement déserte. Profitons-en pour filer. Zed, nous ne pouvons pas partir maintenant. Mandibule est fou. Il ne parle que de laver à grande eau la fange des caniveaux et changer le cours de l'histoire et... Je crois qu'il a l'intention de tuer ma mère. Pas seulement ta mère, mais tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde. Nous, on est à l'abri dans la ville. Mais ils vont enfermer tous les autres dans le méga-tunnel. Et là, il y a le lac. Tu as raison. On ne peut pas partir maintenant. Viens vite, il faut descendre dans le tunnel. Aujourd'hui, nous allons voir se réaliser un rêve. Le rêve d'une colonie plus forte, d'une colonie plus pure, d'une colonie réincarnée. Dans quelques instants, le tunnel va s'ouvrir. Le passé sera emporté par le torrent de l'avenir. Et une nouvelle ombre se lèvera. Voilà un discours bien exaltant, général. Je regrette que ma fille n'ait pas été là pour l'apprécier. Votre Majesté, je sais combien vous êtes inquiète pour Bala. Mais mes hommes sont sur ses traces. Et cela n'est plus qu'une question de temps avant... Je ne veux pas en discuter, général. Retrouvez-la. J'y vais de ce pas, Altesse. Au revoir. Scellez les portes. Cutter, vous m'avez entendu? Général, j'ai beaucoup réfléchi. Sommes-nous vraiment forcés de le faire? Regardez ce que les ouvriers ont été capables d'accomplir. Ils sont comme nous le voulons. N'y aurait-il pas un autre moyen? Cutter, vous êtes un excellent officier. Vous êtes discipliné, courageux, capable. Mais vous semblez avoir une certaine faiblesse pour les classes inférieures que je trouve déplaisantes. Alors êtes-vous avec moi? Oui, général. Je vous présente mes excuses. C'est très bien. Scellez les portes. À vos ordres. Lorsque je regarde ce magnifique tunnel, je me sens envahie. Sors ! En ces temps difficiles, c'est un grand réconfort de savoir que vous, vous tous, ouvriez. Maman ! Attends ! Tous les ouvriers de la colonie sont là. Hé, hey, attends une minute, il me donne de l'argent celui-là. Ce chef-d'œuvre architectural témoignera à jamais de la force de nos infatigables. Va prévenir ta mère, il faut que j'atteigne les foreurs avant qu'ils débouchent sous le lac. On n'aura jamais le temps. Hé, hey, le pessimiste de la famille, c'est moi, ok? Nous avons le plus grand tunnel. Pardon, désolé, je le fais, pardon. Dans un instant, lorsque nos foreurs perceront jusqu'à la surface. Maman! Le soleil. Maman, arrête! Bala, où étais-tu, ma chérie? Tu n'es pas blessée? Je vais bien. Oh, que s'est-il passé? Maman, nous courons un très grand danger. Mettez-y un peu plus d'énergie, s'il vous plaît! Arrêtez! Non! Arrêtez de creuser! Zed? C'est toi? Ne creuse plus, Weaver! Zed, tu es revenu! Oh, Zed! Weaver! Oh! Zed! Qu'est-ce qui se passe encore? Surtout ne touchez plus à la paroi! Ne creusez plus nulle part! Qui a décidé ça? C'est vous qui devez le décider! Si vous passez à travers cette paroi, nous serons tous... noyés! Ce tunnel sera submergé! Alors il faut que nous les fassions tous sortir d'ici. Elle n'a pas l'air contente. C'est pas compliqué. Moi, j'ai des ordres. Et ses ordres disent creuser. Mais si on vous ordonnait de sauter par une fenêtre, est-ce que vous... Oh. Oh, bon sang de bois, pourquoi je lui parle à lui? Écoutez, pensez par vous-même. Allez, donne-moi ça. On a assez perdu de temps. Reprenez le travail. C'est quoi ce bruit? Faut pas rester là. Fuyez. Vite, plus vite. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous avons tous été trompés. Nous allons nous diriger vers la sortie, dans le calme. Sauf qui peut! L'eau arrive! Non, pas de panique! Pas de panique! Pas de panique! Il est coupé d'abord! Cette sortie est bloquée! On est pris au piège! Jamais s'en sortir! Laissez-moi passer! Fais attention! On va s'en sortir! Weaver, prends-moi sur tes épaules! Écoutez! Écoutez-moi! Mais qui tu es, toi? C'est Zed! Écoutez! Si on s'y met tous, on peut s'en sortir. Mais il faut faire vite avant que l'on monte. Mais comment? En formant une immense échelle. Une échelle, on n'y arrivera jamais. Écoutez, si on arrive à faire ça, rien ne pourra nous arrêter. Allez, tout le monde s'y met. Je m'en charge. Venez tous, approchez-vous. Toi, grimpe sur moi. Accrochez-vous les uns aux autres, montez. Vas-y, monte. Allez, allez, tenez-vous bien. Vas-y. Permettez, votre majesté. Zed, il faut que j'aille aider ma mère. T'inquiète pas, je sais presque exactement ce que je fais. On se retrouve là-haut. Soldats, pour qu'une colonie soit parfaite, il arrive un moment dans son évolution où les plus forts sont amenés à s'élever au-dessus des faibles. Ce moment est arrivé. Sous nos pieds, à cet instant, les éléments les plus faibles de la colonie sont submergés par les flots. Oh mon Dieu, on ne va pas y arriver. On ne monte pas assez haut. Ne restez pas là tous les deux, montez. Weaver, tu n'arriveras jamais à tenir tout seul. Allez-y, montez. Accroche-toi, mon vieux. Zed, dépêche-toi, creuse. Notre princesse est en lieu sûr, et un avenir glorieux s'ouvre à nous. Nous pouvons être fiers. Le moment est venu de prendre un nouveau départ. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que ce sont les éléments les plus faibles, Général. Tendez-moi! Tendez-moi la main! Zed! C'est toi! Reste là-dedans! Tu ne comprends donc pas? C'est pour le bien de la colonie! Mais qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes la colonie! Kether! Qu'est-ce qui vous prend? Je viens de faire ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Ça, c'est pour le bien de la colonie, Général. Sale petit ingrat, misérable ver de terre! La colonie, c'est moi! Attention! Zed! Soldats, prenez position! Sortez-moi, ces fourmis-là! Allez, dépêchons, il n'y a pas une seconde à perdre. Merci, mon Dieu, nous sommes sauvés. Attends-moi ici. Merci. Weaver. Où est Zed? Écartez-vous! Ne restez pas là! Laissez-lui de l'air, écartez-vous! Zed! Oh, Zed! Je t'en supplie, réveille-toi. Oh. Tu me dois toujours un dîner. Bébé d'amour. On a réussi, Zed. Une sacrée fourmée. Tu nous as sauvé la vie. On s'est tous sauvé la vie. Ah, les amis, non. Arrêtez, je vous en prie, vous me gênez beaucoup. D'un autre côté, je me demande si je commence pas à m'y faire. Et voilà, l'histoire classique. Un garçon rencontre une fille, le garçon aime la fille, le garçon bouleverse légèrement l'ordre social sous-jacent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nous avons rebâti la colonie, elle est encore mieux qu'avant. Oui, parce que maintenant, on a une immense piscine intérieure. Ah, au fait, Bala et moi, on commence à penser à fonder une famille. Oh, rien d'extravagant, juste quelques enfants. Peut-être 1 ou 2 millions pour commencer. Et moi, je vois un nouveau psy. Oh, il est excellent, il est vraiment formidable. Il me reconnecte avec mon moi larvaire, ce qui me fait un bien fou, et vous savez quoi? J'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé ma place. Elle est exactement là où j'étais, mais la différence, c'est que cette fois, je l'ai choisie. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky. Hope so anytime you get low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Oops, there goes a billion kilowatt dam. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky. Hopes of problems just a toy balloon. They'll soon they're just about to go pop. Oops, there goes another problem kerplop. There goes another problem kerplop. Oops, there goes another.